4000 raisons de plus pour nous respecter. 4 queues, 4000 raisons de plus pour nous respecter. Tout se mélange dans mon esprit, séparé à cause d'une SBI. Ça demande même plus comment je vais, veulent pas savoir si je respire. On voulait juste m'être bien, car qui fait la TSI, bah ouais. J'oublie jamais d'où je viens, vécu dans ce putain carré. Le bâtiment 1 qu'on a fréquenté, les délires et les bars qu'on a pu se taper. Dans le bon chemin, d'autres divagués, on finit au placard ou bien briganté. 13h, on sort des dehors, les baskets trouées, mais on s'en bat les couilles. Et petit écoute, on se bat des H24, on s'en débat les couilles. Je mettais mon cou par la fenêtre, je voyais le carré rempli de potes. Je m'en fous des sous, car tels sont les égouts à cause du jeu de la poule. Belle, allez, casse-toi, t'es pas d'ici, t'étais mon poteau, t'es devenu disciple. En CM1, j'écris des textes, pendant que mes camarades de classe dessinent. Personne connaît mieux ta famille que moi. Aujourd'hui que j'apprends, tu veux m'en mettre une. Carré plus bon est égal famille. Le reste, je les voyais que par habitude. Quand j'étais petit, je voulais sortir du carré. J'avais peur de voir ce qui se passait de l'autre côté. Quand j'étais petit, je voulais sortir du carré. J'avais peur de voir ce qui se passait de l'autre côté. J'oublie pas nos chasses à l'homme, nos camels en bas du bloc, la poubelle, une année d'autre. J'oublie pas ces bons moments. J'oublie pas ces bons moments. Pas ces chasses à l'homme, la poubelle, une année d'autre. J'oublie pas ces bons moments. Pourtant dans les poches, Igo y'avait rien. On marchait sous la pluie, parce que troué, je me suis jamais plaint. Tu me tends la main, que on t'a besoin, que on t'a besoin. Et quand l'équipe s'est séparée, bizarre, j'ai pas vu ton soutien. Non, j'ai pas vu ton soutien. Aucun appel, je me souviens. Je pardonne, je parle pas, mais sache que je retiens. Et si c'était à refaire, balle, donnerais tout pour mes copains. Et si c'était à refaire, balle, donnerais tout pour mes copains. Moi j'étais petit et je voyais les grands commettre des délits dans ma tête. C'était le fan. Ouais, ça se fume pour un bout de shit et j'oublie pas. Nos soleils partis traîner jusqu'à minuit et lendemain. Rendez-vous 13h pour jouer à la calife. Une enfance clean, une enfance sensible, remplie de beaux souvenirs. Mais c'est fini, on se reverra en haut que le très haut nous bénisse. Quand j'étais petit, j'avais peur de voir ce qui se passait de l'autre côté. Quand j'étais petit, j'avais peur